και το Mike. Avec mon pote au Fofo 4-4 95-92 Cause, racheur de venin. Frère, vas-y mon pote. Faire du rap, vendre de la drogue, on sait rien faire d'autre. Faire du rap, faire de la com, on sait rien faire d'autre. Argent sale, dans le streetwear, argent sale, dans un petit grec, argent sale frère. Une petite paire d'Air Max pour le petit frère. Nos familles sont dans la haisse, les grands frères tous au head. Les petits frères vendent de la cesse, y'a plus personne à la tête. Oh, c'est la banlieue, c'est 9-5, 9-2. Te mets pas son marron, t'as permis à point merdeux. Tu joues le show, au micro, t'es qu'une balance à temps partiel. Je te baisse, petit PD, tu vois les couleurs de l'arc-en-ciel. J'en déçois, croyant tout ce que j'étais un homme bien. Désolé mes 44, veux de l'or sous ses mains. Je finirai avenue de la commune à Nanterre, ou faire du rap pour ma rue, faire du bif à long terme. Tu te crois dangereux, tu mords pas, et rien que t'abois. Sur les quais des Hauts-de-Seine, mec, on te met à poil. 9-5, 9-2. C'est le Val-d'Oise, c'est le Hauts-de-Seine, des gros ardois, soi-même tu sais. C'est Aketo et 44 sur le terrain, on vient bosser. 9-5, 9-2. C'est le Val-d'Oise et les Hauts-de-Seine, les gros ardoises, toi-même tu sais. C'est Aketo et 44 sur le terrain, on vient bosser. Tout le monde se revendique sincère, tout le monde se revendique, vrai. J'suis comme un auditeur qui se demande si vous dites vrai. Les plus gangsta sont les plus discrets, les petites frappes se revendiquent thug. Fils de temple de rap devient fiction, tellement que ça jacasse. J'me retrouve à me justifier, ça part d'un délire à la base. On voulait juste kiffer, si tu peux plus me piffrer, ça me fait une belle couille. T'es qu'une ordure, ta destination c'est la belle poule. Je me la fais belle couze, tu peux pas me tienne, car mon long zen a reniflé le cou. Contente-toi de me lécher le boule. Je suis mort de rire, ça parle de street crédibilité. La vérité, ça devient de la street vraie débilité. Je les regarde s'entretuer pour savoir qui est le boss. C'est la cour de récré, toi tout ça qui est le gosse. Le son du check, sont dans le poste. Inquisition, furtif des terres. Fidèle au poste, on fait du bif, pépère. 9-5, 9-2. C'est le Val-d'Oise, c'est le Hauts-de-Seine, des gros ardois, soi-même tu sais. C'est Aketo et 44 sur le terrain, on vient bosser. 9-5, 9-2. C'est le Val-d'Oise et le Hauts-de-Seine, les gros ardois, toi-même tu sais. C'est Aketo et 44 sur le terrain, on vient bosser. Travailler 35 heures, nique sa mère, on fait du rap. J'fais mon couplet, j'prends mon cachet, j'mets du coco. Jamais en rap, t'as une galère, c'est la famille. T'inquiète, j'arrive en bas, t'as une galère, c'est la famille. J'suis dans 5 minutes en bas, t'as les bastos, c'est un calibre. Mais pour tirer, t'as pas les couilles. J'ai un micro, on fait du rap, on dit ce qu'on veut. S'en bat les couilles, la victoire m'appartient. Comme le monde de demain, c'est un flingue à un micro, je viens cracher mon venin. Ok, inquiète au mic avec mon pote au Fofo 4-4. Sur n'importe quel genre de prod, on sort le flow 4-4. J'vois que des grandes pédales avec des grandes bouches. Moi j'ai pas le temps de pénave avec des dents douces. Ceux qui m'en veulent, ça vous j'appile. Jadis, tu veux bouffer la pile. J'suis venu cracher mon venin. Toi tu m'apprends rien de la vie. J'big up les franges, hein, qui m'appuie. 95-92. T'inquiète au 44, tu peux pas t'être. C'est le Val-d'Oise, c'est le Hauts-de-Seine, des gros ardois, soi-même tu sais. C'est Aketo et 44 sur le terrain, on vient bosser. 9-5, 9-2. C'est le Val-d'Oise et le Hauts-de-Seine, les gros ardois, toi-même tu sais. C'est Aketo et 44 sur le terrain, on vient bosser. C'est Aketo, Mister, Fofo 44. LUTH, la galade, ADH, 92-95, GGN, Deuil à repas, cracheur de venin.